route de Saint-François, le raidillon de Saint-François, la route de Saint-François du PK7 au PK6 et la ruelle Bertil. Il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un obus découvert ce matin en plein centre-ville de Saint-Denis, ce sont les ouvriers d'un chantier de terrassement situé rue Juliette Daudu qui ont eu la surprise de déterrer l'engin explosif. Témoignage de l'un d'entre eux dès le début de ce journal. À Saint-Denis toujours, des centaines d'étudiants dans la rue ce matin pour dénoncer la violence sur le campus du Moufia, conséquence d'un viol qui aurait été commis sur une étudiante hier. Nous serons en direct du Crous où une délégation de manifestants a été reçue ce matin. Dans ce journal, nous parlerons également de la loi du silence, souvent de mise dans les violences psychologiques. Un cycle de conférences est programmé cette semaine dans Lille sur cette thématique. Bienvenue sur Réunion Première. Alors qu'une opération d'archéologie préventive a débuté hier sur le parking de la zone océan à Saint-Denis, c'est dans le centre-ville du chef-lieu que des ouvriers ont fait une curieuse découverte ce matin. Alors qu'ils travaillaient sur un chantier de terrassement au niveau du numéro 123 de la rue Juliette Daudu, ces hommes ont mis au jour un vieil obus sous la terre. L'engin explosif a été découvert par ces ouvriers. L'un d'eux, c'est José Rivière Gianito. Il revient sur cette trouvaille au micro de Steve-Henri Peters. Bah écoutez, on a trouvé ça ce matin très tôt et en faisant la découverte, on a dit bon, on va pas prendre de risque, ça peut être explosif quoi. Hein. Moi avec mon ouvrier quoi, quand on est en train de faire le nettoyage sur le chantier, on a vu ça et voilà, on n'a pas pris des risques, on a appelé les personnes qu'il fallait pour nettoyer le terrain. Qu'est-ce que vous a dit le démineur ? Il m'a dit oui, c'est bien une bombe. c'est un truc qui date quand même de 1870, entre 1870 et 1860. Heureusement, j'ai pas pris avec le godet de l'appel parce que c'était quand même. On aurait pu péter, quoi, comme on dit. Quoi. Mais bon, comme on est à La Réunion, on peut trouver quand même pas mal de choses. J'espère qu'on ne trouvera pas d'autres sur le site. Quoi. Des propos recueillis au micro de Steve-Henri Peters. Je vous le disais en titre, plusieurs centaines d'étudiants sont descendus dans la rue ce matin. Ils protestent contre l'insécurité sur le campus du Moufia. Cette manifestation fait suite au viol d'une étudiante. Les faits se seraient produits hier dans une résidence universitaire du chef-lieu. Partis de la fac de lettres, les étudiants ont marché jusqu'au Crous où ils devaient être reçus ce matin. Olivier de la Richaudie, vous êtes sur place, il y a toujours des manifestants. Alors, sur les 250-300 étudiants à avoir pris part au rassemblement, ils ne sont plus qu'une vingtaine, Antoine, à patienter dans la cour intérieure de la résidence du Crous. Tous attendent les résultats de la réunion qui se tient depuis maintenant environ 2 heures entre les membres du conseil d'administration du Crous et une délégation d'une dizaine d'étudiants. Des étudiants qui sont tous indignés, certains ont même formulé le souhait de quitter la résidence. Unanimement, ils ont demandé que plus de moyens soient affectés à la sécurité de l'université avec des rondes régulières sur le campus et ainsi que dans les dortoirs, sans oublier un déploiement massif de caméras de sécurité. Parmi les problèmes à résoudre en priorité, la gestion de la passerelle qui relie le campus aux résidences et qui apparaît comme une zone de non-droit. Bien qu'il m'est impossible de vous dévoiler la teneur des échanges qui ont lieu en ce moment même entre le directeur du Crous et la délégation, je peux vous assurer que la discussion semble mal engagée. Lors d'une déclaration préliminaire, Jean-Paul Duprat, le président du Crous, a associé le problème des intrusions aux négligences des résidents qui bloquent les portes des parpaings par commodité. Une affirmation qui a suscité une nouvelle vague d'indignation. C'est tellement plus complexe, s'est fendu un représentant syndical en critiquant l'immobilisme du Crous sur les questions de sécurité. Olivier de la Richaudie, je rappelle que vous étiez en direct du Crous à Saint-Denis. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette manifestation. Sachez pour ce viol qui se serait déroulé hier qu'une enquête est en cours, mais que pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu, nous a indiqué le parquet de Saint-Denis ce matin. En bref, une femme grièvement brûlée hier soir lors d'un feu d'appartement dans le quartier de Montgaillard à Saint-Denis. Les 3 autres personnes qui se trouvaient dans le logement, un adolescent et ses parents, ont été légèrement blessés en se défenestrant du premier étage. Les 4 victimes ont été admises au CHU de Saint-Denis dans la soirée. Il aura fallu mobiliser une vingtaine de pompiers pour venir à bout des flammes qui ont entièrement détruit l'appartement. Elles sont 15% à La Réunion contre 9% sur le plan national. 3 réunionnaises sur 10 se disent victimes de violences psychologiques. Des violences qui s'exercent le plus souvent dans le cercle familial. Et cela n'aide pas les victimes à en parler. Il existe pourtant aujourd'hui des moyens pour les aider à briser la loi du silence. Pour tenter d'apporter sa contribution au problème, l'association Les Amis de l'Université a invité Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière et écrivaine. Elle animera aujourd'hui et jusqu'à jeudi 3 conférences publiques gratuite sur le thème des violences psychologiques intrafamiliales. Le programme de ces conférences avec Anne-Laure Buffet. La première va démarrer de qu'est-ce qui constitue une violence psychologique, qu'est-ce qui fait d'une personne une possible victime ou une victime de violence, et qu'est-ce qui fait aussi d'un individu un possible bourreau de violence psychologique. La deuxième est plus concentrée sur les enfants, le cas des enfants. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent être victimes et comment les prémunir, comment éviter qu'ils se retrouvent victimes de violences psychologiques. Et la troisième est sur l'étape de la reconstruction. Donc à partir du moment où une victime a compris qu'elle était en souffrance, et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour s'en sortir. Je vais essayer de donner des clés, en tout cas des pistes de réflexion et puis aussi des pistes de personnes à contacter ici à La Réunion directement pour avoir des informations et des aides. Thérapeute, conférencière et écrivaine Anne-Laure Buffet répondait à Pierre Komorasamy. Ses conférences sur les violences psychologiques intrafamiliales publiques et gratuites ont lieu à 18h15 ce soir sur le campus du Tampon. Demain, mercredi, ce sera au village Corail de Saint-Gilles et après-demain jeudi sur le campus du Moufia à Saint-Denis. Politique, alors que le Conseil régional doit décider dans la journée du lancement d'une étude sur le parc national et son éventuelle évolution vers le statut de parc régional, Daniel Gontier a confirmé hier que la directrice du parc, Marie-Lène Noireau, dont l'éviction n'a toujours pas été confirmée par le ministère de l'Écologie, a bien fait l'objet d'une mesure disciplinaire de la part du président de la région, Didier Robert. Opposé à un changement de statut du parc et soutien de Marie-Lène Noireau, le président du parc national, Daniel Gontier, s'exprimait hier soir dans l'émission politique de la rédaction de Réunion Première devant La Réunion. On l'écoute. Elle a été sanctionnée par le président de région, Didier Robert. Oui, elle a été sanctionnée puisque elle a reçu un courrier qu'elle m'a fait copie, qui lui donnait un avertissement et la possibilité d'un conseil de discipline. Est-ce que on sait déjà qui pourrait la remplacer ? Actuellement, aucun document ne dit que Madame Ouarau n'est plus directrice. Donc, vous demandez à ce qu'elle reste en poste ? Écoutez, lorsque j'étais intervenu auprès du ministère, au moment où ils disent « c'est fini Madame Ouarau », je leur dis qu'ils se trompent, et je leur dis que, vu les périodes électorales qui vont arriver, présidentielles, législatives et sénatoriales, je souhaitais que le parc reste apolitique. Le président du Parc National, conseiller départemental et maire de Brabannon, Daniel Gontier, a également dit hier au micro de Gaël Le Dantec qu'il se verrait bien candidat aux élections législatives dans l'Est. Midi 8 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. Social, et ce chiffre, 135 300, c'est à La Réunion le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout pu travailler au mois d'août et qui sont donc recensés comme chômeurs de catégorie A. Le chômage semble donc repartir à la hausse également à La Réunion, Bruce Régent. Le mois dernier, en effet, La Réunion comptait 830 chômeurs de moins. Il y a donc eu une augmentation sensible de 0,6%. Et contrairement au bilan fin juillet, qui affichait une tendance très légère à la baisse, on ne peut plus noter de baisse sur l'ensemble des trois derniers mois écoulés, ce que permettait jusqu'alors la prise en compte des bons chiffres du mois de mai. Désormais, au contraire, avec une hausse de 0,7% sur le dernier trimestre, la courbe semble amorcer un début de remontée. En pâtissent particulièrement les moins de 25 ans, plus 2,7%. Le chômage global, toutes catégories confondues, augmente lui aussi, plus 1,4% sur 3 mois. Le seul indicateur favorable porte finalement sur la durée moyenne d'inscription sur les listes du Pôle emploi. Le chômage de longue durée décroît très lentement en août. Le nombre d'inscrits de plus d'un an revient à peu près au niveau du début 2014. Bruce Régent, on reste dans le domaine de l'emploi avec cette bonne nouvelle pour les ultramarins qui envisagent une carrière administrative, sanitaire ou sociale. L'IFCAS est sauvé au moins jusqu'à 2020. Cet institut de formation basé à Dieppe en Normandie, qui forme une majorité de Domiens, vient de signer une convention pluriannuelle avec le ministère des Outre-mer. Une convention qui devrait donc lui permettre de fonctionner normalement pendant plusieurs années. Reportage Célia Cléry. Revoir là, vos camarades sur la promotion infirmier, médico-social, etc. Il n'y avait que des filles. Deux garçons par-ci par-là. Entre la ministre des Outre-mer et les jeunes de l'IFCAS, le courant passe. Et le dialogue tourne même à l'intime au détour d'une rencontre dans la cour de l'école. Mon père est dans le métier, donc je vais essayer de le suivre. D'accord. Il est gardien de la paix, Gilbert Smitand. C'est Gilbert, oui. Votre papa ? Oh, bah alors, embrassez-le pour moi. Pas de doute, à Dieppe, la ministre est dans son élément. Et elle vient avec une bonne nouvelle. Le ministère des Outre-mer et la DOM vont financer l'IFCAS pour les 5 ans à venir. Il y a une convivialité, il y a un lieu de vie qui permet l'intégration rapide. Et quand il y a une bonne intégration, il y a forcément des bonnes conditions pour étudier. C'est pour ça qu'à l'IFCAS, on a 70% de taux de réussite et que l'IFCAS forme sur des métiers d'avenir. L'école recevra 950 000 euros dès cette année. Le budget sera ensuite adapté aux besoins de formation. Guy Néel, son directeur. Il y avait toujours des risques de fermeture. Là, ça nous laisse la possibilité, les perspectives de travailler à développer l'outil et à le conforter encore. Assistante sociale, aide-soignant, infirmier et depuis peu une formation au métier de la sécurité. L'IFCAS va donc continuer à accueillir chaque année plus de 200 étudiants venus des Antilles, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Oui. Reportage signé Célia Cléry. Les ambulances du SAMU sont maintenant jaune fluo et leurs sirènes retentissent plus fort. C'est pour que vous les voyez bien et surtout que vous puissiez réagir vite. C'est notre petit appel au civisme du jour. Vous avez peut-être pu le constater dans les bouchons. Il arrive que les véhicules de secours d'urgence, qu'il s'agisse du SMUR ou des pompiers, restent coincés parce qu'un automobiliste n'ose pas dépasser le feu rouge d'un centimètre. Et cela agace un peu les secouristes qui gardent leur sang-froid, mais qui aimeraient bien parfois un peu plus d'attention de la part des conducteurs. Écoutez le docteur Bertrand Guillard du SMUR de La Réunion. La contrainte de temps, évidemment, est très importante et on est parfois à distance du lieu d'intervention. Plus que de rouler vite, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse passer facilement entre les voitures, dans la circulation. Donc c'est vrai que quand les usagers de la route nous facilitent le passage, c'est toujours du temps de gagner et de la sécurité. Il ne faut pas non plus que les automobilistes soient bloqués et n'osent pas faire un écart. Tout en restant prudent, bien sûr, hein, tout en faisant très attention de ne pas mettre d'autres personnes en danger. Mais en général, ce sont sur des phases de ralentissement. Donc ce n'est pas sur de la grande vitesse et on peut se permettre de se décaler d'une file ou de nous laisser passer entre deux files, encore une fois, si les conditions le permettent. Il n'était évidemment pas question de provoquer un accident. Vous en seriez alors responsable. Le docteur Bertrand Guillard du SMUR de La Réunion répondait à Bruce Régent. Il est 12:12 sur Réunion Première. C'est la fin de cette édition locale. Tout de suite, un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Marisol Touraine promet d'aider les médecins à l'hôpital sur France Info. La ministre de la Santé indique qu'elle annoncera la semaine prochaine plusieurs mesures en faveur des médecins hospitaliers. Ils étaient en grève hier pour dénoncer leurs conditions de travail et la pénurie de praticiens dans les hôpitaux publics à cause de salaires peu attrayants par rapport aux privés. Eux vont se battre jusqu'au bout pour sauver leur usine menacée de fermeture. 300 salariés d'Alstom de Belfort viennent d'arriver devant le siège du groupe en région parisienne. Ils manifestent et ils espèrent des explications de leur PDG. Les 9000 salariés d'Alstom en France sont appelés à la grève aujourd'hui. Pour les téléspectateurs américains, c'est Hillary Clinton qui remporte le premier débat présidentiel. Ils sont 62% à penser que c'est la candidate démocrate qui a été la meilleure la nuit dernière, sondage de la chaîne CNN. Le débat, il a été tendu, parfois confus. Hillary Clinton et Donald Trump se sont invectivés mais n'ont pas vraiment parlé de leur programme. La France est toujours championne des inégalités à l'école. Un rapport confirme que les élèves des quartiers défavorisés sont moins bien lotis, avec notamment des professeurs qui sont souvent des débutants. L'écart se creuse avec les élèves des meilleures écoles qui, eux, voient leurs résultats s'améliorer. Et puis en football, nouvelle soirée de Ligue des Champions. Lyon et Monaco vont tenter de doubler la mise après leur victoire lors de la première journée. Lyon se déplace sur le terrain du FC Séville. Monaco, de son côté, reçoit le Bayer Leverkusen. France Info. Le 12-13 continue sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce midi dans C'est dans l'actu, on parle de la colère qui monte chez les retraités. Le montant de leur pension ne sera pas revalorisé au 1er octobre. Pas d'augmentation Antoine, effectivement, ce qui conduit 9 organisations syndicales en métropole à mener différentes actions. À La Réunion, pas de manifestation particulière, mais les syndicats relaient l'inquiétude générale. Le pouvoir d'achat des retraités se réduit au fil du temps. Si vous êtes concerné, est-ce que vous avez du mal à boucler vos fin de mois, vers qui vous vous tournez? Le 02 62 99 2000 est à votre disposition dès maintenant. La météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Cet après-midi, le soleil se fera plus timide, des nuages se formant dans les hauts. Sur les régions de Saint-Pierre et du Tampon, la couverture nuageuse déjà bien présente prendra plus de consistance et débordera vers l'étang Salé jusqu'en baie de la Possession, en passant par Saint-Gilles. L'alizée de secteur est est modérée et des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h souffleront dans le sud sauvage et vers Saint-Pierre. Sur les littoraux sud et sud-ouest, la mer est agitée par une houle modérée de sud-ouest. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. 12h17 sur la première, la colère gronde chez les retraités. C'est dans l'actu ce midi avec Philippe Dornier et ses invités. « Traditionnellement, chaque année, c'est le 1er octobre que les retraités voient leur pension augmenter. Mais depuis 3 ans, ce n'est plus le cas, à l'exception du coup de pouce de 0,1% en 2015. La raison, c'est sur l'inflation que les retraites sont indexées. Comme l'inflation est nulle, pas de hausse des pensions. Les retraités dénoncent un recul important de leur pouvoir d'achat, du coup, eux qui ne gagnent déjà pas beaucoup d'argent. Une mesure fiscale en leur faveur a bien été annoncée le 9 septembre par le gouvernement, un crédit d'impôt qui les concernerait tous. Mais ça ne suffit pas à calmer la grogne des retraités, ni celle des syndicats qui les représentent. Les actions se multiplient donc au niveau national, relayées plutôt timidement à La Réunion. Quelle est la situation des retraités sur notre département? Comment financer une hausse des pensions? De quelle façon gérer un budget tendu en fin de mois? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et vos appels, 02 62 99 2000, ça c'est pour nous joindre en direct. Il y a aussi les SMS avec le 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook c'est dans l'actu et le hashtag CDL la première si vous tweetez pour être avec nous. Trois invités, Alain Père, co-secrétaire départemental de la FSU Retraités, bonjour. Bonjour. Alix Lechat qui est secrétaire départemental des retraités CFDT. Bonjour. Bonjour. Et Virginie Gobalou, bonjour. Bonjour. Secrétaire fédérale du PS déléguée au social, parce qu'on imagine bien que la politique du gouvernement va être discutée autour de cette table sur ce sujet des retraites. Alors jeudi, on sera à 2 jours de la date symbolique du 1er octobre, le 29 septembre, date choisie par 9 syndicats pour descendre dans la rue en métropole. La FSU fait partie de ces syndicats à l'impair. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ici, après-demain ? Ici, après-demain, nous allons essayer de... Nous avons demandé rendez-vous à nos députés et pour leur demander d'agir en tant que députés au niveau national, donc pour, entre autres, créer une indemnité compensatrice de vie chère pour les retraités de La Réunion et essayer et demander qu'on nous rétablisse la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves ayant élevé au moins un enfant. Et qu'on nous rétablisse l'exonération fiscale des majorations familiales. Ceci, c'est dans un avenir. Pas de manifestation non, dans la rue, Réunion, pourquoi ? Non, non, nous allons... pourquoi c'est les manifestations, il y en aura en métropole, mais le mode d'action n'est pas forcément toujours la manifestation ou le défilé, plutôt qu'une manifestation pour les retraités. Ça sera aussi des conférences de presse, des émissions radio, des émissions de télévision, des interventions, des prises de parole en public. À La Réunion, nous avons choisi de nous adresser à nos députés pour qu'ils nous aident, finalement, à améliorer notre pouvoir d'achat. Parce que le but de cette journée d'action du 29 septembre est la revalorisation de nos pensions. D'abord, elle n'aura pas lieu, comme d'habitude, parce que ça devient une habitude. On y reviendra dans un instant. Vous, à la CFDT, Alix Lechat, vous ne vous joignez pas à ce mouvement au niveau national. Pourquoi ne pas être dans ce mouvement, faire partie de ces 9 syndicats? Alors, nous avons agi et nous avons réagi depuis par une action le 20 septembre. Alors, comme les autres syndicats, vous savez qu'on est un peu tendu depuis la loi travail. La loi El Khomri, effectivement, la CFDT, syndicat réformiste, soutient plutôt ce mouvement. Exactement. Nous nous sommes retournés vers les autres syndicats et c'est l'UNSA retraité qui a répondu d'accord. Alors le 20 septembre, nous avons mené une action avec l'UNSA au niveau national et au niveau régional. Au niveau national, nous avons fait une pétition, de même qu'au niveau régional, et nous avons été déposer les pétitions à la préfecture. Est-ce que vous faites le même constat, ceci dit, que les syndicats qui appellent à la mobilisation le 29? Tout à fait. Alors, effectivement, là-dessus, nous ne pouvons pas être contre. Il y a effectivement un problème sur la garantie du pouvoir d'achat des retraités. Et nous avons fait un argumentaire. Nous avons fait des lettres à tous les députés aussi pour que, eh bien, aujourd'hui, on arrête le massacre et on fait en sorte que le niveau de vie de nos retraités ne soit plus seulement des mots et que ce soit efficace. Arrêter le massacre, c'est fort. Virginie Gobalou, est-ce que c'est un massacre pour les retraités la situation, est-ce qu'elle est aussi grave que vous l'entendez actuellement avec les représentants syndicaux? Écoutez, j'ai pris connaissance de l'appel à la grève de ce jeudi. Je pense que le mot massacre, pour moi, est un peu fort, trop appuyé. Et je comprends les inquiétudes, les inquiétudes des retraités qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Mais parler de massacre, non, puisque depuis 2012, le gouvernement socialiste a quand même pris des mesures, peut-être pas suffisantes et incomprises pour certains retraités en matière du pouvoir d'achat des retraités. Vous pensez à quoi comme mesure? Et puis, je pense que quand François Hollande il est arrivé au pouvoir, n'oublions pas aussi le contexte, il y a plus de 14 millions de retraités sur le territoire français. 14 millions de retraités et François Hollande, quand il est arrivé après la loi d'Éric Woerth, il a mis en place la retraite, la loi, cette mesure pour que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, ayant cotisé 5 trimestres, puissent prendre leur retraite à 60 ans. Je veux dire, il a établi une certaine équité par rapport à ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Il y a aussi le compte pénibilité qui a été repris aussi par Marisol Touraine, mais il y a eu quelques avancées. Mais je peux comprendre, il faut être réaliste, notre système de retraite, il est souvent remis en cause. Il y a des inquiétudes sur la pénibilité des caisses, mais il faut savoir aussi que dans la sécurité sociale, il y a trois branches, la famille, la vieillesse et aussi la dépendance qui est là où on devrait aussi prendre en compte et prévoir d'autres mesures pour améliorer les conditions de vie des retraités. 14 millions de retraités en France, combien à La Réunion à l'Imper? Et sur le nombre que vous allez nous indiquer, quel pourcentage se trouve vraiment en situation très difficile? On sait qu'il y en a qui vivent en dessous du seuil de pauvreté par exemple. Oui, à La Réunion, il y a un peu plus de 120 000 retraités. Et sur ces 120 000 retraités, il y en a 45 qui perçoivent l'ASPA. C'est-à-dire le 45% qui perçoivent l'ASPA. 45%, oui, chiffre de 2014-15. Donc l'ASPA, c'est-à-dire allocation spécifique pour les personnes âgées. De solidarité, pardon, excusez-moi. De solidarité pour les personnes âgées. C'est un complément retraite. Enfin, c'est un complément. Quand les retraites sont trop faibles, l'ASPA permet de grimper jusqu'à 800,90 € de retraite mensuelle. Alors ça, c'est, vous le dites avec ton bien particulier, ça, c'est 800 qu'est-ce que euros, ça vous inspire 800,90 €, enfin, on va dire 801, on va arrondir quand même. C'est le maximum C'est le maximum qu'on peut percevoir avec. C'est le maximum qu'on peut percevoir avec grâce à l'ASPA. Parce que c'est quand même grâce à l'ASPA, les retraites, il y a des retraites très faibles à La Réunion, mais aussi à Métropole, il y a des retraites de 300, 400, 500 euros par mois. C'est désolant qu'on ait des retraites aussi faibles. Depuis 2013, le 1er avril 2013, il n'y a pas eu de revalorisation, à part 0,1%. Enfin, c'était... En 2015. En 2015, le 1er octobre 2015. Et une des revendications du groupe des neuf, là, CGT, FO, FSU, Solidaire, FVG, RFP, Fédération Générale des Fonctions Publiques, et CGC et CFTC, sont... et qu'on revienne à la date de revalorisation, le 1er janvier. Parce que ça a d'abord été reporté au 1er avril, puis maintenant au 1er octobre. Et qu'on indexe ces retraites sur les salaires et non plus sur le coût de la vie. Et de toute façon, 0,1% avec les prix qu'il y a à La Réunion, il n'y a pas d'inflation. Oui, il y en a, mais... C'est se moquer des retraités, en fait. C'est se moquer des retraités. Et quand vous entendez Virginie Gobalou, Alix Le Chat, vous répondre qu'il y a eu des mesures de prise depuis 2012, qu'il y a eu des choses, de fait. Et qu'est-ce que vous répondez? Sur le, si on parle uniquement du pouvoir d'achat des retraités, il y a eu rien, sauf des mesures fiscales qui enlèvent. La demi-part fiscale pour les veufs et les veuves qui ont élevé au moins un enfant a disparu. C'est pas sous le gouvernement socialiste, c'est le gouvernement Fillon. L'exonération pour la démajoration familiale, quand on a au moins trois enfants, on a droit à une majoration de pension. Ça a été mis en place en 2013. Alex Le Chat, sur ce que vous disiez, puisque c'est vous qui attaquiez avec ce mot très fort tout à l'heure, le massacre. Virginie Gobalou vous a répondu. Qu'est-ce que vous dites ? Je maintiens le mot massacre. Parce que quand on regarde, il faut se mettre à la place des personnes qui sont retraitées. On disait que le pouvoir d'achat des retraités a diminué dans tous les... Partout, il y a toujours une petite augmentation. Et là, effectivement, quand on regarde, le retraité regarde ce qu'il perçoit. Depuis 2013, il y a eu une baisse de sa retraite. Parce que on a mis en place un certain nombre de retenues. On est d'accord, il faut bien aider. La France est dans un état qui c'est pas possible et il faut bien effectivement payer des taxes. Nous vous êtes d'accord sur le principe de contribuer au redressement tout du pays, à fait. Choses comme ça. Tout à fait. Mais aujourd'hui, demander à des gens qui ont déjà des ressources nulles, parce que quand effectivement on dit qu'il pratiquement tous les retraités, moi je dirais tous les retraités dans le privé, se trouvent aujourd'hui dans un état de pauvreté. De pauvreté parce que nous sommes au-dessous. Déjà, il n'y a pas d'équité entre les femmes et les hommes au regard de la retraite. Et quand nous regardons les rapports, nous en sommes au 13e rapport du comité d'orientation, du conseil d'orientation des retraites. Eh bien, aujourd'hui, il résulte que le rapport entre le montant moyen des pensions des femmes et des hommes, observé sur l'ensemble des retraités, ça a toujours augmenté au fil des années. Et le rapport entre les pensions moyennes de droit direct, en majoration pour trois enfants, heureusement qu'il y a ça, est ainsi passé de 55% en 2004 à 61% en 2014. Et quand on regarde tous les rapports annuels du Conseil d'orientation des retraites, à chaque fois, on nous dit « ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faut s'attendre à un crash ». Et d'ailleurs, on sait très bien que l'année prochaine, par exemple, tout ce qui est ARCO et AGIRC vont connaître des réformes très importantes et qui entraîneront systématiquement, qui vont entraîner systématiquement encore des baisses de retraite, alors qu'ils ne sont pas vraiment importants. Je voudrais vous faire réagir sur le chiffre que nous donnait Alain Père tout à l'heure, Virginie Gobalou, 800,90 € par mois pour les plus petits retraités. Comment on peut s'en sortir avec ce montant-là ? Écoutez, je reste réaliste, je l'ai dit tout à l'heure, je comprends la position de Monsieur Le Chat, mais je veux dire, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Je reconnais qu'à La Réunion, il y a quand même un taux de pauvreté assez important et qu'il faut quand même aider les petits retraités. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, il faut qu'on reste aussi dans le contexte, il faut qu'on voit aussi quelles ont été les différentes lois qui ont été prises par les gouvernements successifs, puisqu'il y a quand même des lois qui ont été prises en 93 par Balladur et en 96 par Juppé, et la réforme de Fillon qui n'a pas facilité non plus les caisses de retraite reprendre les dispositifs, les différentes lois qui ont été prises avant François Hollande dans un différent contexte. Mais François Hollande lui-même a été obligé de s'attaquer au régime de retraite et a reculé l'âge de départ à la retraite. C'est quand même quelque chose de symbolique aussi, ça. Et lui, quand il est arrivé, moi je retiens qu'il a rétabli 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. avant 20 ans. Il a commencé, il a rétabli cette mesure qui me paraît juste, hein, une mesure juste pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Mais pour eux, mais pour d'autres, au contraire, il va falloir travailler plus longtemps. Vous êtes d'accord aussi là-dessus ? Le système de retraite, il est très complexe en France. Il faut assurer la protection et le gouvernement était dans une démarche de protection de notre système de retraite pour trouver cet équilibre. Trouver cet équilibre, puisque vous avez des personnes qui remettent encore notre système de retraite, vous avez des personnes, des syndicats ou organisations qui disent qu'il faut remettre à plat le système. Il y a des organisations qui disent qu'il faut aussi revoir le système, puisqu'il est inégalitaire, il n'est pas transparent. Je prends en compte toutes ces informations qui sont données par les organisations syndicales. Je suis moi-même syndicaliste. Je ne vais pas me cacher et dire que la pauvreté des retraités n'existe pas à La Réunion, c'est faux. Je suis, c'est vrai, j'ai cette casquette de syndicaliste et je reconnais aussi la misère que vivent nos retraités ici à La Réunion. Et je l'ai dit tout à l'heure. La colère gronde chez les retraités, le thème de C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu, vos questions au 02 62 99 2000, vos SMS au 06 92 70 2000. Et aussi Facebook, pour participer à l'émission, on a Noëlla qui nous dit « Alors que tout augmente, EDF, impôts et j'en passe, les retraites stagnent, c'est la misère ». Voilà ce que nous dit Noëlla via le canal Facebook. Est-ce que vous partagez cet avis, Alain Père ? Je rappelle que vous êtes co-secrétaire départemental de la FSU retraités. Oui, je partage cet avis. Les pensions de retraite stagnent et en fait, le pouvoir d'achat des retraités diminue. Madame Govalou, Madame Gobalou. Gobalou, excusez-moi. excusez-moi. Parler de la pauvreté des retraités. C'est une façon relative de calculer. D'après l'Observatoire des inégalités, le seuil de pauvreté en France est de 840 euros par mois. Avec l'ASPA, on arrive à 8,90 €. Et ça, c'est un chiffre national. Ça, c'est un chiffre national, oui. Mais, parce qu'ici, il y a évidemment la question des prix. On tient compte des ressources de la famille. À La Réunion, a le triste privilège, on va dire, d'être parmi les premiers départements où il y a le plus de pauvres. Bon, c'est de pauvres, en dessous de 840 euros. Alors ça, c'est pas depuis forcément le gouvernement socialiste, sans vouloir le défendre, mais ça existe. Non. Mais ce que vous dites, c'est que les mesures successives ne contribuent pas. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les retraités sont obligés de travailler de plus en plus longtemps ? Enfin, les retraités, pas les retraités, les salariés. Est-ce que les salariés sont obligés de prolonger leur période d'activité ? Les salariés sont obligés de travailler de plus en plus longtemps. L'âge de la retraite est toujours fixé à 60 ans. L'âge légal de départ à la retraite est toujours fixé à 60 ans. Mais les cotisations, 62 ans, oui. 62 ans. Oui. Mais les cotisations, les cotisations des annuités, on ne peut partir à la retraite que quand on a un certain nombre de trimestres, 163 actuellement, et ça fait qu'on ne peut partir qu'à 62 ans et demi. Et puis ça va augmenter. Les candidats de... Bon, alors, dans le micro, s'il vous plaît. Mes notes à côté. Les candidats de droite, eux, parlent de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, 67 ans. C'est dramatique. C'est dramatique. Les retraités ne font pas trop de bruit. Ils se manifestent. Cette journée de mobilisation du 29 septembre, là, est quand même la 9e qui a eu lieu aussi bien en métropole qu'en France depuis 2014. Il faut porter la situation des retraités à nos députés. Il faut que nos députés fassent quelque chose au point de vue législatif, par des amendements, par des lois. C'est leur travail. C'est leur travail de défendre les retraités. Qui sont aussi leurs électeurs, d'ailleurs. Alors, Alix Lechat, vous souhaitiez réagir. Je reste concret. Depuis 3 ans, moi, j'ai toujours eu un salaire au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Mais on cotise à la vieille, pour la vieillesse qu'au plafond de sécurité sociale. Depuis 4 ans, ma retraite a diminué. Parce que en 2014, il y a eu un certain nombre de cotisations qui ont été mises sur ma retraite. Donc la retraite diminue. La retraite diminue. Ce que vous touchez en fin de mois. Voilà, la retraite ne stagne pas. La retraite diminue. Et c'est seulement pour les retraités qu'on voit ça. Et c'est pour ça, quand je dis c'est une catastrophe, parce que quelqu'un qui a une carrière complète, par exemple, ben, il percevait 1167,29 euros. Dans le micro, s'il vous plaît, aussi. En 2013. Eh bien, aujourd'hui, il perçoit 1130,60 euros. Ça, c'est du concret. Et alors, moi, ce que je plains, c'est les travailleurs aujourd'hui. Quand j'ai eu fini de travailler, j'ai fini ma carrière en 2001. En 2001, en 2 mois, je payais au niveau de la sécurité sociale ce que je perçois aujourd'hui en 1 mois de retraite en cotisation. L'employeur et moi-même, quand je regarde, parce que il y avait effectivement en 2000, il y a eu encore une réforme de la retraite et qui a fait que, eh bien, les salaires, les cotisations patronales et salariales, on a déplafonné une partie de la retraite. Alors évidemment, c'est technique tout ça, mais c'est le fond du débat. Est-ce que, comme les syndicats le demandent, il faut revenir à une indexation des pensions sur les salaires et non plus sur l'inflation? La loi sur l'indexation en tenant compte, bien sûr, de l'inflation, je rappelle aussi à M. Le Chat et à la FSU que ça a été pris par un gouvernement de droite. Par un gouvernement de droite. Là, on n'est pas là dans une politique politicienne pour dire que ceux qui ont mal fait, eh ben c'est l'actuel gouvernement qui les supporte. Ça, c'est vrai, c'est un peu vrai maintenant, mais bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça peut être changé, oui, peut-être. Voilà. Hein. Est-ce que c'est pas possible? Mais écoutez, mais il y a quand même des avancées, il y a quand même du travail qui a été fait au niveau du ministère des Affaires sociales. Je reviens sur le compte pénibilité, par exemple, pour les femmes. Tout à l'heure, vous parlez d'inégalité entre hommes et femmes, je vous rejoins tous les deux. Effectivement, dans les retraites, il y a cette inégalité de pension entre les hommes et les femmes. Et il y a aussi cette prise en compte de compte pénibilité pour les femmes, pour les travailleurs qui sont porteurs d'un handicap. Il y a aussi la possibilité pour les travailleurs, s'ils sont porteurs d'un handicap, de partir avec ce compte pénibilité, de partir à 55-57 ans en retraite. Je pense que là, c'est quand même une loi qui est juste, qui paraît juste. Et on a déjà recensé plus de 500 000 personnes qui répondent au compte pénibilité. Je pense que c'est quand même une avancée. Et ça, quand la droite était au pouvoir, la droite ne l'a pas fait. Mais je reste quand même réaliste, comme mais je vous dis, sur certains points. Virginie Gobalou, oui. Ça ne répond pas à la question comment revaloriser les pensions, puisque on est là aussi pour parler de ça, de ces pensions qui ne sont pas augmentées. Ça veut dire, quand vous partez sur d'autres sujets qui concernent effectivement les retraités, ça veut dire que les pensions, de toute façon, ne seront pas revalorisées. On va rester sur le technique, M. Dornier. Effectivement, tout à l'heure, je proposais, moi, qu'il y a possibilité, peut-être proposer aussi à nos députés. Hein, moi, je ne manquerai pas de proposer aux députés qui sont chez nous, Parti Socialiste, de revoir les mécanismes. De revoir les mécanismes de calcul. Mais bon, là, c'est l'ensemble des parlementaires qui sont quand même concernés. Il n'y a pas que les députés de la Réunion, parce que c'est un travail collectif. Il s'agit quand même de maintenir notre système de protection sociale, dans lequel il y a aussi les retraites, et il y a aussi la prise en compte de la dépendance des personnes âgées. Puisque, je reviens aussi dans le contexte, nous avons 183 actifs qui payent pour 100 retraités. Hein, la situation est quand même est à réfléchir, parce que 183 actifs qui travaillent pour payer 100 retraités. Il faudrait aussi remettre les choses dans le contexte et ne pas oublier que la crise de 2008, elle est aussi passée par là. Les entreprises, il y a aussi un travail à faire au niveau des entreprises, parce que certaines entreprises, compte tenu du contexte économique dans lequel elles sont, ont des difficultés à garder leur personnel. Vous avez des licenciements, des personnes qui se font licencier à 48 ou 52 ans et qui après n'arrivent plus à trouver un travail, se retrouvent au chômage et là aussi leur cotisation stagne. il n'y a plus de cotisation. Et c'est ça aussi qui pénalise aussi leur départ après à l'âge légal de partir, puisqu'il y a une rupture de situation professionnelle. Alors, puisqu'on parlait des différentes mesures, on va rappeler l'annonce par Michel Sapin, ministre des Finances, annonce faite le 9 septembre dernier, d'un crédit d'impôt pour tous les retraités, quel que soit le revenu. Ce crédit d'impôt étant censé remplacer la réduction d'impôt pour les services à la personne et l'emploi de salariés à domicile qui ne bénéficiaient à ce moment-là qu'aux salariés, qu'aux retraités plutôt, qu'aux retraités imposables. Est-ce que ça va dans le bon sens, Alain Père ? Tout ce qui peut favoriser les retraités, enfin, le pouvoir d'achat des retraités, va dans le bon sens. C'est certain, c'est certain. Mais il y a quelque chose... Parce qu'on a entendu des commentaires des syndicats dire que c'est une mesure électoraliste. Non, pas du tout. Pas du tout. Les mesures électoralistes, non. C'est une mesure qui... Bon, peut-être que c'est une mesure électoraliste, ça s'en serait... Bon, la FGRFP, la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, salue cette mesure. Bon, la FSU, pareil. Ce n'est pas une question... C'est pas parce que ça vient d'un gouvernement... qui a pris la suite de gouvernements de droite qui ont... Là, je reprends le mot de M. Lechat, qui ont massacré le système, les retraites. Et que c'est une mauvaise mesure, c'est sûr. C'est une bonne mesure. M. Lurel avait quelques propositions pour parler de les 35 recommandations du rapport Lurel qui ont été reprises dans un projet de loi qui va être discuté à la Chambre des députés du 3 octobre où la loi pour un projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle. La proposition 21 de M. Lurel, c'était en vue de compenser la faiblesse des retraites des salariés ultramarins, pas seulement les réunionnais, ultramarins, créés à compter de 2017 dans les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 72.3 de la Constitution. Quelle proposition, s'il vous plaît? Un complément, créer un complément temporaire de retraite pour les retraités dont la pension est inférieure au taux de pauvreté national, qui est de 800. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que pour les retraités qui ont une pension dont la pension est inférieure au taux de pauvreté nationale, qui est très relatif, qui est donc de 840 euros, malheureusement, dans le projet de loi... Un complément temporaire. Un complément temporaire. Bon, temporaire, reste viager, on va peut-être, j'espère que ce serait viager. Dans le projet de loi qui est là... Il n'y a pas. Ça a disparu. Projet de loi égalité réelle, vous voulez dire ? Voilà. Alors, qui est en discussion pour le moment. Qui va être en discussion du 3 octobre au 9 octobre. À partir du 4 octobre, je crois, mardi prochain. Écoutez, moi, je pense que la ministre, je vais peut-être intervenir et répondre sans que M. Dornier... Non, mais allez-y, vous êtes là pour ça. ...me l'autorise. C'est vrai que dans le projet d'égalité réelle qui est mené par la ministre des Outre-mer, Erika Baredge, il est question aussi des petites retraites et aussi des petites retraites des agriculteurs. Des agriculteurs, ouais. Puisqu'il faut prendre en compte aussi la différence qu'on n'a pas, nous, ici, à La Réunion. Et j'ai lu Monique Orphée aussi avait présenté des amendements. Voilà, Monique Orphée aussi, elle est dans la commission sociale, donc elle propose aussi des amendements pour que cette égalité de prestations vienne aussi à La Réunion. Et au niveau de la FSU et des 9 organisations, 8 autres organisations syndicales et associatives de retraités, nous demandons la création d'une indemnité compensatrice de vie chère pour tous les retraités de La Réunion. Ça fait longtemps, oui. Je vous invite à aller sur le site, vous savez, le site est ouvert, les propositions, votre contribution... C'est fini, le vote est fermé. Le site était ouvert. Vous pouvez toujours l'adresser à Mme la ministre, je pense qu'elle ne restera pas sûre de la contribution. Alix Lechat, je voulais vous faire réagir aussi sur la mesure dont on parlait tout à l'heure, celle proposée par Michel Sapin, avec ce crédit d'impôt à tous les retraités. Oui, effectivement, toutes les mesures qui vont être prises seront importantes. Mais je dois dire, effectivement, suite à l'action du 20 septembre, nous avons été reçus par un conseiller de Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, et nous avons les délégations syndicales de la CFDT retraitée et de l'UNSA retraitée ont eu une écoute attentive et courtoise. Je ne tire pas à boulet rouge sur le ministère ou sur le président. Nous estimons effectivement que la situation n'est pas facile, mais il ne faut pas encore solliciter les retraités qui aujourd'hui sont au-dessous du seuil de pauvreté et c'est sur eux qu'on retire. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête, quand je dis le massacre, je finirai par le mot massacre, qu'on arrête ce massacre. Ça n'est pas la faute du gouvernement actuel. Les réformes ont été prises, ont été faites au fur et à mesure. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Les retraités sont les plus mal lotis. Et donc, nous ne pouvons pas rester inactifs et bras croisés devant cette situation. Est-ce que, je posais une question un peu provocatrice pour terminer, Virginie Gobalou, mais est-ce que le fait que les retraités aient moins de pouvoir de nuisance quelque part que des salariés qui bloquent telle ou telle activité, est-ce que ça facilite ce genre de politique? Non, je ne pense pas. Je vais dire quand même, il y a quand même une attention qui est accordée au système de retraite actuel. Mais quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il fallait surtout redresser les comptes. Je rappelle quand même qu'il a pris un cratère et que il y avait des dettes et les dettes de la Sécu qui étaient à 32 milliards d'euros en 2010. Et là, on a pu quand même redresser, mettre un équilibre à 3 milliards d'euros. Et ça va passer à 400 millions d'euros l'année prochaine pour 500 millions d'euros de dépenses. Moi, je fais confiance à notre système de retraite qui est très envié par les autres pays européens. Et je pense qu'il y a matière à travailler pour protéger notre système de retraite. Il y a matière à sauvegarder notre protection sociale en France. Un sujet qui sera au cœur de la campagne des primaires et puis de la présidentielle, évidemment, dans les prochaines semaines. Merci à tous les trois d'être venus parler des retraites, de l'absence de revalorisation au 1er octobre. Alain Peyre pour la FSU, Alix Lechat pour la CFDT, Virginie Gobalou pour le Parti Socialiste. C'est dans l'actu demain, cancer du sein et chirurgie réparatrice. Zoom sur une nouvelle technique de reconstruction mammaire proposée depuis le mois d'août au CHU de la Réunion. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles. Plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Chez les Martin, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martin, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Bon après-midi sur la première avec Ingrid pour vous accompagner jusqu'à 14h. Merci Philippe, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Comme chaque jour, pour tout savoir de ce qu'il se passe en Outre-mer au niveau économique, eh bien, il y a la chronique éco sur Réunion Première. Ce sera juste après Pixel et SS Chiron. Prix pour moi, Sébastien Letard nous parlera de financement des logements sociaux. Même quand je sais que ça t'en frappe à la planche, suis tenté de regarder dans le Judas, sachant bien que maintenant je ne tomberai pas plus bas. Et je sais pas ce qui m'attend, j'ai du mal à savoir ce qui succédera à ces nuages. Je suis trop tombé et c'est de ma faute. Mais si tu m'aimes, ne me juge pas. Tends-moi la main et je tenterai de la saisir. Crois-moi, je sais que je nous fais du mal. Mais je sais que ces choses ne durent pas. Si tu vois que j'ai du mal à réfléchir, prie pour moi, je ferai de même et ça je te le promets. Le pied sous moi, prie pour moi, sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos rats égarés, qu'on sait jamais. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour lui, prie pour tout, ça tu fais tout pour vivre, vivre libre, prie pour ça. Ou même on connaît où ça. Mais au lieu donne à moi la main, ou laisse le mal attendre à moi. Ou t'éveillons à moi meilleur, ou paix déchire mon cœur. Prie pour moi, au lieu de nommer la force, ou râle le pied sur moi. Prie pour moi, sachant qu'on a encore des choses à faire. Jamais, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tire-moi vers le haut, donne-moi la force de m'élever. Des fois je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Tire-moi vers le haut, donne-moi la force de m'élever. Des fois je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Prie pour moi, au lieu de nommer la force, ou râle le pied sous moi. Prie pour moi, sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun de nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Prie pour moi. C'était le duo Pixel Kenyon sur Réunion Première. Prie pour moi Pixel, dont le nouvel album est sorti vendredi dernier. Il y a enfin du nouveau dans le financement des logements sociaux. Sébastien Letard nous en dit plus dans la chronique éco ce midi. La chronique éco, Sébastien Letard. Le Premier ministre Manuel Valls l'avait annoncé début juin, après des mois de protestation des professionnels, la suppression de l'agrément préalable pour le financement du logement social dans les DOM. Les dossiers restaient bloqués à Bercy pour des questions de procédure en attente de la validation indispensable pour pouvoir profiter du crédit d'impôt. Avec l'amendement déposé par le gouvernement, fini les blocages dus aux ailes des fonctionnaires de Bercy, comme l'annonce le ministre des Finances Michel Sapin. Bon, c'est une réforme qui est importante. On sait, y compris à Bercy, le poids de l'exigence d'un agrément pour un certain nombre d'investissements, les difficultés que cela pouvait occasionner. Et donc, nous allons passer, pour dire les choses simplement, d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Que personne ne croit qu'il n'y aura aucun contrôle sur des opérations de cette nature qui, par ailleurs, permettent d'une défiscalisation ou des diminutions fiscales très, très importantes. Ce qui vous est proposé, c'est que cette dispense d'agrément s'applique dès le 31 mai, puisque c'est le jour où le Premier ministre a annoncé cet objectif de suppression de l'agrément préalable. Je pense à une mesure rapide et qui peut être très efficace et permettre à des travaux de commencer dès maintenant. Des contrôles a posteriori, en tout cas pour les plus petits programmes de logements sociaux. Les chantiers supérieurs à 2 millions d'euros resteront soumis au contrôle de Bercy. Le député de Guadeloupe, Victorin Lurel, est satisfait. J'ose le dire ici devant la représentation nationale. Merci monsieur le ministre. Je félicite le gouvernement. C'est du bon travail, c'est très attendu dans les Outre-mer. Entre 900 et 1 millier de logements étaient jusqu'à présent en attente d'agrément à Bercy pour pouvoir débuter les travaux. La chronique écho, c'est un rendez-vous que vous pouvez retrouver chaque jour avant 13h sur Réunion Première. Dans quelques instants, eh bien, c'est le retour de l'information avec la rédaction de France Info. Ce sera à 13h et puis juste après, vos rendez-vous habituels comme chaque début d'après-midi. L'invité de la matinale en rediffusion à 13h30, le zapping, l'actu insolite et puis votre rendez-vous Connect Première pour tout savoir des nouveautés technologiques. Voici le duo Sia et Sean Paul sur Réunion Première, Cheap Thrills. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me up, up, not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, c'était Sia et Sean Paul sur Réunion Première. Il est 13h, voici le journal de France Info. Et l'info à 11h, c'est avec Laurent Sénéchal. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. Les salariés d'Alstom en grève, ceux de Belfort manifestent devant le siège de l'entreprise pour réclamer le sauvetage de leur site. Il faut plus que de la simple commande publique, estime l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. La presse américaine est unanime, c'est la démocrate Hillary Clinton qui sort vainqueur du premier débat face au républicain Donald Trump dans la course à la Maison Blanche. Des geysers sur une lune du système solaire, la NASA a peut-être découvert la preuve d'une intense activité sur Europe, un satellite de Jupiter qui cacherait un océan d'eau sous une couche de glace. France Info. 300 salariés d'Alstom de Belfort sont à Saint-Ouen, près de Paris. Journée de grève et de manifestation devant le siège du groupe où a lieu un comité central d'entreprise. La direction veut transférer la production des trains depuis Belfort vers le site de Reichshoffen en Alsace. La concerne 400 salariés. La solution souvent avancée, c'est la commande publique, SNCF ou RATP. Mais l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, estime que ce n'est pas viable à long terme. Le gouvernement a eu raison là-dessus de monter la pression pour justement qu'il y ait une réponse qui soit apportée sur le site de Belfort. Et j'ai noté hier que, d'ailleurs, le groupe Alstom avait décidé de suspendre sa décision. Parce qu'en même temps, on doit regarder la réalité en face. Quelle est la situation de l'industrie ferroviaire partout en France? Il y a aujourd'hui, sur le secteur ferroviaire français, ce qu'on appelle une surcapacité. C'est-à-dire qu'on a développé des sites industriels, des productions pendant des décennies qui ne correspondent plus aux besoins français. Et je le dis ici, l'idée